Vous êtes assez fou. 89. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est le palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès Fou pour la semaine du 25 au 31 janvier 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Ah oui, Tania Baudin. C'est bien moi. Tania Baudin. On va être ensemble pour 3 heures avec la meilleure musique que c'est fou à vous offrir, toi. Ben oui. 3 heures, ça veut dire un top 20 francophone et un top 20 anglophone. D'ici la fin de l'émission, on va savoir si nos numéros 1 sont toujours du côté anglophone, Lucid Afterlife avec A.O. Et on va savoir si du côté francophone, c'est toujours Dans la neige du band Le Husky. Aussi, d'ici la fin de l'émission, on va dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées parce qu'on accueille 4 nouvelles entrées, entre autres Etou Broussé ainsi que Cage the Elephant en anglophone. Et du côté francophone, eh bien, entendre du Mordicus, Paupières et aussi des pièces qui étaient des nouvelles entrées la semaine dernière qui ont peut-être monté, descendu ou qui sait. C'est ça un palmarès, c'est ça. Oui. C'est ça, il y a des surprises comme une entrevue plus tard dans l'émission. Si tout va bien, on ne vous l'annonce pas à l'avance, mais on devrait avoir une entrevue avec vous. Pas avec vous, parce que vous, on vous connaissait déjà un petit peu quand même. Pardon. Ouais, c'est ça. Donc, d'ici la fin de l'émission, je dirais à mi-chemin, dans une heure et demie environ. Mais commençons. Nos palmarès, c'est fou de cette semaine avec les 20e places. En anglophone, on retrouve une nouvelle entrée de Cage the Elephant avec Mess Around sur l'album Tell Me I'm Pretty. Et du côté francophone, eh bien, on va entendre Mordicus avec Grandville. Pas Grandville, Grandville. Grandville, et c'est le grand retour de Mordicus. C'est sûr qu'il était au sommet de nos palmarès il y a quelques années de ça. Je dirais peut-être un an et demi environ. Donc, leur nouvel album s'appelle Edgar Allan Pop. C'est un jeu de mots, donc ça me touche. Les voici, au palmarès, c'est fou. Entrée. We'll be right back. Anne. Nouvelle entrée. Back to back with the downtown winds, the king is in his story. Avec Hey Blue, nouvelle entrée en 19e place sur l'album. En fait, c'est sur un de leurs albums. En fait, je regarde leur page Facebook ici et ça parle de leur. Je l'avais tantôt, je l'avais là deux secondes. Attends un peu, j'ai perdu. Je change de page. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que t'as fait? Bref, c'est un single qu'on a reçu, groupe qui existe depuis 2010, pop rock alternatif avec Craig et Darren Bruce, Sion Hewitt et Jamie White. C'est en passant, Et tout broussé vient de la phrase Et tout brouté. Hein? Ok. Qui à la base vient de tout coquer mi fili, oui. Qui est une locution latine célèbre attribuée à Jules César au moment de sa mort. Ça veut dire toi aussi mon fils. Alors que dans l'œuvre de Shakespeare, dans la tragédie Jules César, oui. William Shakespeare attribue comme dernier mot à César Et tout brouté, toi aussi Brutus. Brut étant la forme de vocatif de Brutus et étant l'adverbe signifiant même aussi. Et dans le monde anglophone, cette expression est utilisée pour invectiver celui qu'on accuse de trahison. Ooh. Et tout brouté, donc là, Brucé à la place parce que les noms des deux membres du groupe sont Bruce. Tu comprends le ouais, principe? Ouais, je comprends. Ça, c'était ma position numéro 19 anglophone. Et du côté francophone, eh bien, la position 19, c'était 5 heures par le groupe Paupières. Le groupe Paupières qui joue dans les couleurs musicales autour des 80s, qui est composé de Pierre-Luc Bégin, Julia Daigle et Eliane Préfontaine. Pierre-Luc Bégin, qui est aussi un des membres du band We Are Wolves. Oh, wow! Uh-huh. Ça va avoir du succès, ça. Oui. Paupières, d'ailleurs, en anglais, hein, Skin Rock, évidemment. Ben oui, évidemment. Paupières, Skin Rock, la traduction est évidente. Pareil. En 20e place anglophone, c'était Cage the Elephant avec Mess Around sur l'album Tell Me I'm Pretty. Et Cage the Elephant, c'est un groupe de rock américain originaire de Bowling Green. Et du côté francophone, la 20e position, la nouvelle entrée, c'était Mordicus avec Grandville. Le vidéoclip de Grandville est sorti ce matin, là. Genre, il y a 7 heures. C'est comme wow. Là, là, on vous livre ça live on en vit même dans le présent, temps qu'eux ont sorti le vidéo. Incroyable. Donc, si jamais vous voulez aller voir ça, c'est possible sur leur page Facebook. Nanananananana. Hey, Bowling Green, là, c'est dans le Kentucky, ça va être ça. Ah, ouais, je savais pas. Puis les membres de Cage the Elephant, deux gars qui s'appellent Schultz. Dans l'autre band, il y avait deux gars qui s'appelaient Bruce. On dirait que c'est comme une histoire de famille. Tu dédoubles des affaires. Hein? Ça n'a pas d'air. Bref, nous voilà à la fin de ces nouvelles entrées. Hein? Oui. Et qui dit nouvelles entrées dit qu'il faut dire au revoir à d'autres pièces. Oh non! J'en compte quatre. Ouais. Point, point, point. Et quand on a quatre pièces qui nous quittent, ben on dit Palmer, rest in peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Tears, bitter pills. Oh, it sucks when there's nothing but gold in those hills. Girl, I know what you're going through. I'm going there too. Girl, I know what you're going through. I'm going there too. I'm going there too. I'm going there too. I'm going there too. Qui ont quitté les palmarès depuis l'édition du 18 au 24 janvier 2016. On commence par ponctuation. Mon corps est une planète qui est restée au palmarès francophone pendant 7 semaines. Marie-Pierre Arthur est allée se cacher en hibernation avec Caché l'hiver qui a duré 8 semaines. Je sais pas si je peux dire ça, mais Yukon Blonde aurait pu faire une commotion cérébrale avec leur pièce Como parce qu'ils sont restés pendant 7 semaines au palmarès. Elle est très bonne. Et Destroyer, c'est... Oh, c'est notre chanson de comédie musicale. C'est donc... C'est bizarre, juste en extrait comme ça, elle a l'air un petit peu peut-être endormante, mais en tant que telle, je la trouvais vraiment cute. Mais malheureusement, elle est partie, je pense, en ambulance, en plâtre avec Girl in a Sling qui a duré 7 semaines. Voilà, Palmer, rest in peace. 4 nouvelles pièces, mais on a accueilli. Oh, c'est ça, 4 pièces qui nous quittent, mais on a accueilli 4 autres. Donc, quand même, ça finit par s'équivaloir. Il ne se perd, il ne se crée, comme on dit. Et on fait Palmer, rest in peace en début d'émission, juste après les nouvelles entrées au Palmarès si fou. Maintenant, c'est le moment de sauter par-dessus les choses. Dans le prochain bloc, on va entendre les 17 et 18 ensemble, mais on va sauter le numéro 17 francophone, n'est-ce pas, Tania? Oui, on va sauter Richard Desjardins du groupe Les Connards à l'Orange, parce que ça fait quand même 7 semaines qu'elle est au Palmarès. Ouais. Donc, on va se donner un léger, léger break. Un petit repos. Un petit mérite. Repos. Donc, on va entendre plus tard The Paper Kites ainsi que Dilly Dally, mais on commence en francophone. Avec Les Revenants et Rien ne saigne comme un pouce. Oui, à chaque fois qu'on fait Palmer Rest in Peace, j'oublie de préparer la prochaine pièce. C'est vrai, hein? Tu trouves pas? Mais oui, mais c'est pas... C'est une habitude que j'ai pris depuis quelques semaines. C'est vrai, hein? En temps normal, t'es plus assidu que ça, Mathieu. Ça l'a très bien. Yeah. Bon. Donc, Les Revenants avec Rien ne saigne comme un pouce, on écoute ça à l'instant et ça se passe dans les Palmer Rest in Peace sur 81 FM. Sous-titrage Société Radio-Canada. vous êtes assez fait passer. 89.1 17. Had a dream that I sent for your love in the morning, and you came to me at about a quarter to three. You said I didn't look like I used to look, and man, I do not know your face. And I woke to discover that the thing that you said true to me in some kind of way. So I stepped down the figure in the bathroom mirror, took the razor in my hand. Now I could draw a line or I could cut my hair, but it don't change the way I am. I'm a part of the world I live in now, only set apart from the world I live in now. Ghost of a renegade. De Paper Kite et Renegade, 17e position. Ça monte d'une place, c'était le vol la semaine passée. On l'a tellement apprécié qu'elle a monté de une belle petite place. Et on avait sauté du côté francophone, les Connards à l'Orange avec Richard Desjardins qui était la 17e position. Il y en a qui montent plus vite que l'autre. Eh bien oui. Hein? Avant ça, on a entendu Dilly Dally avec Purple Rage, voilà, qui descend de 10 places. Et on avait commencé le bloc avec Rien et 5 comme un pouce du groupe Les Revenants. J'aime les moves que tu fais là. Yo, ouais, yo, yo, yo. Hein? J'essayais de me rappeler où est-ce que j'étais, ça fait. Tu ressembles un petit peu à quelqu'un qui, mettons, dans les courses de bolide là, en ce moment devant nous, devant la fenêtre du studio, là, presque. Oui, ben oui, parce que, hey, là, tu sais, comme là, ça fait 3 minutes, c'est commencé en théorie. Il y a les courses de bolide, oui, sur les grosses buttes devant le pavé. Pour ceux qui écoutent, évidemment, en direct le mardi, oui, 26 janvier, ça a lieu en ce moment. Les gens devaient se construire un bolide et descendre une côte et gagner des points pour leur assaut, évidemment, dans le carnaval étudiant. Pas le choix. C'est ça. Prochaine activité est à 16h30, n'est-ce pas? 16h30, en théorie, à la Chasse-Galerie. Génial, c'est quoi? Et c'est le fameux T'es pas game. Ah oui! Oui. Le truc de défi de... De défi dégueulasse. Hétéroclite, exactement. Donc, on suit Carnaval pendant l'émission en direct le mardi, bien sûr. On va sauter par-dessus d'autres choses. On va faire les 16e et 15e ensemble, mais on va sauter une pièce de chaque bar. En anglophone, on va sauter Kurt Vile avec Pretty Pin Pin qui est stable. Et du côté francophone, on va sauter la 16e position qui est dans les nues de Maude Audet, hashtag Maude. Oui, on va entendre Rosie Vallant de ton côté. Oui, tantôt. C'est ça. Rosie Vallant avec Quebec City. Mais et avant ça, de ton côté, The Town Heroes qui monte d'une place. Voici Constellations. Ouh. Au Palais c'est fou. 89 FM. I fell in love with a new constellation on the shores of Dunvegan. I fell in love with an old conversation, even more than when it began. I watched the sun as it set on the west side, heard a story I needed to hear, found the things that I needed to find, felt the flesh off your cheek as you neared. I wouldn't change it at all. Not a thing, no. All that I need is right here, waiting for me, waiting for me. I watch a town as it danced to vampires, dip my wounds in the salt off the sea, builds an old drift. Was whatever I wanted to be. I wouldn't change it at all. Not a thing, no. All that I need is right here, waiting for me. I wouldn't change it at all. Not a thing, no. All that I need is right. Je ne t'apprends rien quand je te dis que ta voix C'était du côté francophone, Rosie Vallant et Quebec City qui descendent de la 4e à la 15e place francophone. Et en anglophone, c'était la position numéro 16. Qui était Constellations de The Town Heroes. Et voilà. Pour le temps, on a sauté par-dessus Monde Audet ainsi que Kurt Vile. On va continuer de ce rythme-là, je pense. On n'a pas trop parlé de sauter des choses, donc pour l'instant, continuons comme ça. Allons-y avec les positions numéro 14 du côté anglophone. Ce sera Metric avec Lie, Lie, Lie, qui est là depuis 7 semaines. Et du côté francophone, eh bien, la semaine dernière, elle était en 20e position, donc une nouvelle entrée. Elle est maintenant en 14e position. C'est Les Hôtesses du Lair avec Fais faillite. Ah ben, Colin, je vais faire mieux que ça. Je vais faillir passer proche d'appuyer sur le bouton. Et... Hein, fait. Ça fait. Ça fait. C'est des palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Êtes-vous tanné de vous réveiller au beau milieu de la nuit en panique? Le poids de vos dettes qui vous entre jusqu'à dans votre sommeil? Le fardeau fiscal tourne vos rêves en cauchemar? Voulez-vous être heureux comme moi, toujours souriant, libre comme un oiseau? Ben facile, y'a juste 5 étapes à suivre. Étape 1... Avez-vous déjà sorti avec une fille trop belle pour vous, avec des goûts dispendieux? Une belle femme, avec tout son avenir devant elle. Des voyages dans le sud, des restos trop chers, des sacoches avec des prix qui se peut pas. La carte, pis la marge de crédit, renaît dans le rouge. Elle, elle est partie avec un docteur. Pis vous, vous vous sauvez de vos créditeurs. C'est facile, suivez les étapes. Dites-moi pas que vous avez travaillé à Fort McMurray. Vous avez le truc de l'année, la grosse cabane sur le bord de l'eau, le skidoo, le 4 roues, la roulotte, le bateau. Vous avez pas un, pas deux, mais trois pressure washers. Pis là, le prix du pétrole a chuté. Pis ça fait longtemps que vous avez pas vu la lumière au bout du tunnel. Des consommateurs compulsifs. C'est la roue de l'économie. Consommer, consommer, consommer. Encore plus, encore plus, encore plus. Pour pas que la roue arrête de tourner. Des algorithmes qui vous ciblent, qui vous bombardent de publicité à chaque fois que vous tournez la tête. Ils ont créé de la demande pour des faux besoins. Vous êtes des victimes, victimes du système. Faites control out the lead sur votre vie. Je sais pas moi, faites un pomme Z et faites faillite. Passez le fardeau aux autres et faites faillite. Pour seulement 5 paiements faciles de 0$, vous pouvez faire faillite. Le système vous a fourré, ben fourré le système. Faites faillite. Allez, nagez vers les nuages. If it happened, it was meant to be. Offer me a free lobotomy. got to be sedated to be seen on the cover of your magazine. Was meant to be, got me a lobotomy for free. Now I'm so sedated and serene on the cover of your magazine. The question no one wants to ask themselves. Naked in the movie, make me the director's pet. Everybody told me, take whatever you can get. Everybody told me, take whatever you can get. Say what you mean. Rage against the dying of the light. Baby, you'll be safe with me. Rage against the dying of the light. Holding up a tattered dream. Rage against the dying. Rage against the dying of the light. Oh, and I suppose I brought it all upon myself. Questions no one wants to ask themselves. Naked in the movie maker, the director's pet. Your mother and your father wanna see you on the TV set. Everybody told her, take whatever you can get. Vous surprendrez pas en disant que le titre de la pièce est Lie, Lie, Lie par Metric. Ça descend de la 6e à la 14e position anglophone sur l'album Pagans in Vegas. Et du côté francophone, eh bien, on a monté de 6 positions parce que la semaine dernière, ils étaient en 20e place et c'est les Hôtesses d'Hilaire avec Fait Faillite. Ça manque de gars qui crient tu as vu mon nouveau cellulaire? Non, c'est. Qui c'est le nouveau cellulaire? Ouais. Tu vois, c'est leur ancienne chanson. Il n'y a plus ça dedans. Non, en effet. Ça la rend un peu moins bonne, je trouve. Ah. Il nous reste une dizaine de minutes de l'émission. Le temps d'entendre les 13e places. On ne pourra pas aller plus loin que ça, d'après moi. Malheureusement, non. On fait notre possible. Donc, on va entendre plus tard The Noble Thieves avec How Can You Think. En fait, je regarde ça, puis peut-être qu'on pourrait sauter celles qui sont... genre, défait mes plans. OK. Pour l'instant, on va commencer avec Ariane Zita et la pièce... Émile Néliga. Puis après ça, on va se planifier d'autres affaires pendant que ça joue. Ça te tente-tu, ça? Ça me dérange pas. Tant qu'à perdre notre temps avec des vieilles pièces, là. Hein? Ben oui, hein? En tout cas, là, on écoute ça, puis c'est pas mal assez fou. Au 89 FM. Je vais te donner une photo de moi. Et rejoins-moi tard ce soir, quand la nuit se renouvellera à la statue d'Emile Nelligan. Ça serait quand même pas pire que les saisons qu'on étire s'accumulent dans tes yeux ce soir. Et dans les miens, il me semble, avant que la nuit ne tombe, rejoins-moi tard ce soir. Je te trouve beau et chez elle, on se retrouvera dans ta ruelle. Ça serait quand même pas pire que la lumière de la rue s'accumule dans tes yeux ce soir. Et dans les miens, il me semble, avant que la nuit ne tombe, je me retarde ce soir. Yeah. 11. La Valérie, les enseignes au néon, pousse numéro 11, ça monte de 3 en francophone. On a comme fait un bloc entièrement francophone. Mm-hmm. Alors après ça, on a entendu la 12e qui était La brume de Renard Blanc. Mm-hmm. On a débuté avec Ariane Zita et Émilie Elnilik hein, qui montent de 6 places. En anglophone, on a sauté par-dessus les 13, 12 et 11 en 13e de Noble Thieves avec How Can You Think of Love at a Time Like This. Mm-hmm. En 12e, Magical Clouds avec Downtown et... En 11e, c'est eux autres, là. Avec Cosmic Cannibalism. Voilà pour la première heure de l'émission. Notre portion où il y a le plus de musique, celle où on a de la difficulté à se démêler un peu. Dans la deuxième heure, ce sera la portion top 10. Alors restez avec nous. Ça et une petite participation spéciale si tout va comme prévu dans les Palmarès C'est Fou 89.1. FM! Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait, assez fait, assez fait. C'est la deuxième heure des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 25 au 31 janvier 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, c'est rare qu'on finit un mois comme ça sur le 31. C'est vrai, hein? C'est-à-dire qu'on va commencer le prochain mois directement un lundi 1er février, c'est bien ça? Mm-hmm. Mais j'adore ça, ça arrive donc bien timé juste. Ouais. Je sais pas, c'est comme un hasard dans la vie qui fait que toutes les semaines de chaque mois commencent par un 7-14-21 d'habitude. 7-14-21. Hey, c'est vrai. Ça arrive très souvent. Mm-hmm. Ça de même. Pensez-y, hein? Pensez-y. On dirait une finale du tricheur, genre. Tu sais, un gag poche de... Oui. Comment on appelle ça? Lui, là. Guy... Guy Jourdouin? Guy Jourdouin! Avec une petite phrase poche en fin d'émission. Guy Jourdouin. Ça ressemble à ça. Donc, c'est la portion top 10 de notre palmarès. Ce qui veut dire qu'on commence par les 10e places. Du côté anglophone, ce sera The Motor League avec The Boards qui monte d'une place. Et du côté francophone, eh bien, ça monte aussi seulement d'une place. C'est Pigeon Voyageur de Medicayenne. C'est fun, tu sais comment timer tes gorgées d'eau parce que tu sais vu, hein? L'ordre dans lequel les choses se font dans les palmarès. C'est fou. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a comme un pattern. Il y a juste un léger pattern. C'est ça. Juste un léger pattern, contrairement comme un gag en anglais dirait, contrairement à un male pattern baldness. Comme quand t'as un petit trou en haut de cheveux. Juste la petite main bonne. Non, pas la main bonne. Ben non. Ah, oh, comme un trou. Hé, hey, mon père. Ben tout, ben c'est ça, mais les gens de cet âge-là, comme l'âge de ton père, ton père qui est quand même semi pas mal jeune, je trouve, pour un père, là. On va se le dire. Ouais, non, ouais, il a l'air jeune. Il a l'air. C'est... Salutations, papa! Bref, il est moins jeune que moi, hein? Ouais. Hein? Et moi, je commence à avoir un male pattern. Non, parce que male pattern, je pense que c'est par en avant du front. Il y a une mauvaise joke qu'on disait par rapport à ça, mais je pense que je vais te la dire à l'extérieur des ans. Ben voyons donc, les blagues de mauvais goût, ça va en onde et que t'apprends pas vite. Ok, ben quand on était petit, mon père avait ça parce que ça fait vraiment longtemps, je pense que j'ai jamais connu mon père avec des cheveux là. Puis en fait, on disait que quand lui était petit, mon père allait vraiment souvent à la messe et c'est à cause que le curé faisait « Vas-y, mon enfant, continue! » Alors, il faisait un petit rond sur la tête, comme on lave le rond du poil. Ah, c'est ouais, charmant, c'est charmant. C'est la... c'est la joke de mauvais goût. De voici Mehdi Kayenne. Yeux du temps qui pigeon part. Voyageur. Pas mal, c'est fou. Prends-nous avouer à la fin de nos jours avoir manqué d'audace. La lueur de nos ardeurs, le soleil de nos amours. Quand le souvenir de notre éternel retour, retour. Que le quotidien nous égare et que le printemps se prépare. Sommes-nous pas seulement que des vaisseaux de peau qui écoutent le vent? Nos mots sont des sons qui vont loin, mais qui n'expliquent rien. Ainsi les poèmes meurent d'envie de se lever dans nos mains. Oui, valse à tout vent, que l'ici soit ailleurs. Voyageur, que l'ici soit ailleurs, que l'ici soit Motor League, c'est la pièce The Boards qui monte d'une place en 10e position anglophone. Et du côté francophone, eh bien, comme on le disait tout à l'heure, ça a aussi monté d'une place en 10e. C'était Pigeon Voyageur de Mehdi Cayenne. Tantôt, on vous a donné un petit avant-goût de ce qui s'en est aujourd'hui au carnaval. Ouais. Pour ceux qui écoutent en direct, c'est le mardi 26 janvier. On a parlé des glissades de véhicules. Ouais, dehors. C'est ça, des bolides. Des petits bolides. On avait à 16h30 le Tipo Game. Oui, exact. Donc, dans à peu près 15 à 20 minutes, mettons, à Chasse-Galerie, c'est le défi Tipo Game. Et évidemment, tout ça mène à la grosse soirée musicale qui a lieu ce soir au 10-12 avec Louis-Jean Cormier. Présenté par C'est Fou. Absolument, C'est Fou va être sur place, bien évidemment. Vous devez l'être vous aussi. Oui. C'est recommandable. Ouais, en théorie. Ouais. On reste dans les pas mal assez fous pour nous. Donc, du côté de la 9e anglophone, ce sera une montée de 10 places. Ooh. Pour une pièce qui était nouvelle la semaine passée, Interior Light par Young Rival. Et du côté francophone, en 9e position, eh bien, c'est Muffin Top de mes amis au Pakistan. Eh ben, toi! Je te dis. Aïe! Et! C'est les pas mal assez fous! Au 89 FM. Je mange, Young Rival et Interior Light qui montent de 10 places en nouvelle entrée la semaine passée, qui est maintenant la 9e. Et du côté francophone, eh bien, la semaine dernière, ils étaient en 13e position. Maintenant, en 9e, c'était Muffin Top de mes amis au Pakistan. Les choses vont bien. Tout le monde monte dans ces positions-là. C'est le fun à voir. Jusqu'à présent. Même chose pour les 8e, en fait, parce que du côté anglophone, ça monte de la 14e. 4e semaine de présence pour Muslime et I Always Get What I Want. Et du côté francophone, la semaine dernière, ils étaient en 12e, donc on monte de 4 places. C'est Ingrid Saint-Pierre avec Tokyo Jelly Bean. Tu l'aimes, celle-là? Je l'aime particulièrement, celle-là. Une petite chanson calme? Une petite chanson calme, mais je trouve qu'elle est bonne. Bien plaisante, là. C'est celle-là là, qui dit, tu sais, là-dedans, c'est comme là... C'est ça, ouais, tu l'as parfaitement. Ah, je c'est les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Ah, c'est le bout que je te disais. C'est ça. C'est assez fait. 8. une chanson à répondre, finalement. Peut-être. C'est facile de se rappeler le barrel. Oui. Donc, c'est « I always get what I want ». C'était la formation Maslime, c'est la position numéro 8 anglophone. Du côté francophone, je l'ai dit, c'est la montée de 4 places depuis la semaine dernière. En 8e, c'était Tokyo Jelly Bean d'Ingrid Saint-Pierre. Ouais. On est rendu au 7e place déjà. Le temps file super gros, on a plus de la moitié de l'émission de fête. Mm-hmm. Du côté anglophone, la 7e place, c'est Reversing Falls avec This Is Why. On l'a entendu à Assemblage Rocky une couple de fois. Oui. On a bien aimé ça. Donc la voici qui monte de la 20e du fond du palmarès. Du fond. À plus de la moitié, 7e place. Mm-hmm. Et du côté francophone, eh bien, ça monte de 3 positions. La semaine dernière, c'était le top 10. Eh bien, c'est Promontant d'Athéna. Et attention, ça crie au début. J'oublie tout le temps. Ça, puis le silence à la fin. Oui! C'est la chanson qui a le double whammy. Oh oui! Ah ouais. C'est pas mal, c'est fou! Au 89 FM! Ah! Aucune larme, aucune volonté, à faire mal, fais partie des. Niagara Falls avec la pièce This Is Why qui monte de la 20e à la 7e position. Anglophone, ça monte de 13 donc. Du côté francophone, c'était Athéna avec Prends mon temps. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui à faire des mouvements de même? Je sais pas, on dirait que je danse puis ça crie de l'autre bord. C'est ça. Ben, il faut que dire, je bouge. Là, je sais pas si en ce moment ça crie par contre. Est-ce que j'ai trop des écouteurs qui empêchent? Ah oui, ok, on peut l'entendre. Non, crois-moi, ça attention, crie. Attention, je vais baisser le fond, monter nos micros. Attention. Est-ce qu'on l'entend bien? Pire, on entend. Faut pas parler trop dans le micro quand on y monte comme ça, par contre. Bref, c'est le carnaval étudiant qui a lieu en ce moment, c'est le TEPA Game. Le défi ouais. où on lance des défis aux gens, dans le fond, ils doivent le faire. S'ils font pas, ils boivent de la bière. C'est ça? Puis t'as quelque chose de boire de la bière. Ouais. Il y a tout le temps une histoire de boire de la bière, en effet. Là. Et qu'est-ce qu'il y a plus tard ce soir que t'avais envie de peut-être aller voir ça? Je me rappelle pas trop, c'était quoi l'activité ce soir? Louis-Jean Cormier. Oui, Louis-Jean Cormier, c'est ça, qui est au 10-12 ce soir. Présenté par C'est Fou. Exactement. Bien sûr. Il y a autre chose entre les deux, il me semble bien. Allez voir l'horaire sur Carnaval étudiant QTR 2016. Aussi sur la page Facebook, exactement. C'est exactement ça. Donc, c'est là que les informations se trouvent en temps réel. En fait, ils sont très là, forts. Là, on entend très bien. Ah, attends un peu. Hein? Wow! En effet, on l'entend très bien. On se demandait si ça allait sortir mais en ondes, mais oui. Voilà. Bref, Louis-Jean Cormier ce soir. Soyez-y, présenté au par 10-12. Ce soir étant évidemment pour les auditeurs du mardi 26 janvier. Oui. Voilà. Arrive pas le samedi, malheureusement. Non, c'est ça. Ça va être terminé. C'est vendredi et dimanche nos reprises, Tania. Vendredi et dimanche. Vendredi et dimanche. Trompe-toi pas de jour, c'est important. Arrive pas le vendredi. C'est ça. On est rendu au position numéro 6 pour presque clore cette deuxième heure d'émission. Donc, du côté anglophone, ce sera Deer Hunter qui monte une place avec Snake Skin. Et de l'autre côté, en francophone, c'est une pièce qu'on n'a pas entendue depuis longtemps. Bien, en fait, on l'a entendue bien évidemment la semaine dernière, mais quand même. La semaine dernière, elle était en 9e position. Cette semaine, 6e, c'est Hiver de Baden Baden. Oh, wow, cool. C'est pas mal, c'est fou. Au 89 FM. Je ne sais rien. 6. C'était Deer Hunter et la pièce Snakeskin qui monte d'une place en sixième position anglophone. Et tout juste avant ça, eh bien, c'était Hiver de Baden Baden, une pièce qu'on a beaucoup entendu rouler ici. Oui. Mais on a arrêté. On a comme arrêté, ouais, c'est ça. C'est faut pas se faire des écœurantes aiguës. Hein. C'est comme l'hiver, c'est comme la saison en tant que telle. C'est comme, ouais, tout à fait. T'as bien raison. C'est pas te tanner de ça. Je suis d'accord. C'est la fin du top 10 à 6. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a encore un petit peu de temps de lousse à la fin de l'heure pour retourner en arrière de choses qu'on n'a pas entendues depuis le début de l'émission. Et on a choisi deux pièces en anglophone, comme tantôt on avait joué des pièces francophones une à la suite. C'est ça, on a fait jouer trois francophones, on va faire jouer deux anglophones. Voilà, une chose à la fois. Donc tout à l'heure, il y aura The Noble Thieves, qui est en 13e place. Ça descend de 3. La pièce s'appelle How Can You Think of Love at a Time Like This? Mais on commence avec la 15e anglophone, qui est Kurt Vile avec Pretty Pimpin'. Oui! Yeah! Ça, c'est rock! Ah, ça, c'est bon. C'est des palmarès, c'est fou. Une voix virile. C'est ça qui est bonne, la pièce. Au 89 FM. C'est comme entrecoupé de différentes phrases. Ouais. That's just me. Then I proceeded to brush some stranger's teeth, but they were my teeth, and I was weightless, just quivering like some leaf come in the window of a restroom. I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, but it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday. Then Saturday came around, and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? Just like all I want is to just have fun, live my life like a son of a gun. I could be 1,000 miles away, but still mean what I say. Un bloc de pièces pour le sauter plus tôt dans l'émission. On vient entendre Uburu avec Cosmic Cannibalism qui a monté de 5 places en 11e position anglophone. Avant, c'était The Noble Thieves en 13e qui descend de 3 avec How Can You Think of Love at a Time Like This. On a débuté avec Kurt Vile qui est en 15e stable, 9e semaine de présence pour Pretty Pin Pin. Voilà, c'est la deuxième heure des palmarès C'est fou qui se termine à l'instant. Dans quelques minutes, ce sera la troisième heure avec le top 5. On va savoir d'ici la fin si le numéro 1 anglophone est toujours Lucid Afterlife avec Ayo et en francophone. Loski avec Dans la neige, c'est au retour au palmarès C'est fou, restez avec nous. Vous êtes assez fait. Assez 89. Bonjour, c'est la troisième heure des palmarès C'est fou pour la semaine du 25 au 31 janvier 2016. Tania Baudin sera de retour dans quelques instants. Je m'appelle Mathieu Plante. La portion top 5 de l'émission commence à l'instant et la raison pour laquelle Tania Baudin n'est pas avec moi là, c'est qu'on essaie de faire des tests. On veut voir si on est capable d'entendre dans le corridor le son du Tepa Game avec un micro sur le terrain ou presque. On est à deux murs de distance de la chasse-galerie. Et on entend très très bien l'excitation du jeu Tepa Game et le test de son en même temps pour le spectacle de Louis-Jean Cormier qui aura lieu ce soir à 21h au 10-12. Donc le mélange ensemble de test de son et de Tepa Game te met dans une de ces ambiances incroyables! J'adore ça. Bref, embarquons dans notre top 5 sur ce son délicieux. Pour aller entendre en quatrième anglophone King Gizzard, non, t'es rendu au cinquième place. En cinquième, c'est The Sheepdogs avec Bad Lieutenant qui descend de 3 places. Et tout de suite, voici Philippe Braque. Ah, peut-être que rouler à la chaise, par contre, son lente. Son... Ça, c'est un peu plus déplaisant comme ça. Oh, tu m'avais pas fait signe! La lune se fait pleine jusqu'au bout de mes doigts. C'est la faute. Deux crispy, les plats de sac de pommes enlevés au Christ, une couche de knock. Le tarteau sans la pisse, c'est qui se défend humblement contre les chats qui l'assaillissent. Les poubelles ont des oreilles, de la compassion et une écoute formidable. Et la neige qui fond laisse renaître les botches d'autrefois. Nostalgie, je suis chez moi. Que tu me blottiras dans tes seins comme la mère animale qui traîne encore son monde. Et nous n'oserons plus regarder les cratères dans nos bras. Et le chant de nos aiguilles coulera au rythme du sang. Bad man, don't you understand? fortune and hold it in your hand. Well, it's a cold, hard bargain for you to understand. The Sheepdogs et la pièce Bad Lieutenant qui descend de 3 places en 5e position anglophone. Et du côté francophone, je sais pas si j'ai bien suivi la chose puisque j'étais sur le terrain en train de recueillir les fameux commentaires et cris des gens au carnaval. Oui, justement, on peut les citer, hein? Oui. Et je cite... Et aussi... Voilà. Ouais, c'est ça. C'est les citations, exactement. C'est les citations. Verbatim. C'était Héroïne de Philippe Braque. Oui, exactement. Et voilà. Et voilà. Donc ça, c'est les cinquièmes places. Ce qu'on entend derrière nous, c'est ce qui se passe en direct de la galerie du 10-12, le soundcheck de Louis et Jean Cormier. Oui. Il y a aussi, je crois, les toilettes qu'on entend aussi c'est derrière. C'est le séchoir à main des le toilettes. Le séchoir à main. Et voilà. Vous voyez, nous qui sommes juste à côté du, des toilettes oui. et de la galerie et du 10-12 dans un genre de triangle des Bermudas. Oui, on tient à vous expliquer qu'on a vraiment placé un micro spécial, personne le sait. C'est le micro magique, le même que dans la chronique Une grosse pointe tendresse les jeudis matins à Assemblage Rocky. C'est le même micro magique. Il est déplaçable, apparemment. C'est vrai. Sur le terrain. Déplaçable. Alors, on l'a mis sur le terrain entre le 10-12 et la chasse-galerie pour vraiment recueillir tout ce qui se passe présentement pendant le carnaval. C'est comme un Vox Pop dans le temps à Musique Plus ou je sais pas trop quoi. Oui, pareil. Si jamais vous passez dans le corridor, accrochez pas à la chaise. Oui, premièrement, s'il vous plaît. Et vous pouvez dire des mots dedans. Oui. Comme là, on entend parler. Comme, mettons, si quelqu'un passait là, on pourrait entendre un mot, mais les gens, des fois, sont lents sur la réaction. S'il y a des gens qui vont retirer de l'argent, on va probablement entendre le code de NIP qu'ils font. Que vous allez pouvoir deviner et ensuite leur voler leur argent. C'est ça. C'est-à-dire leur dette. Exactement. De moins parce qu'on est à l'université. Hein? Et que la boisson, à un moment donné, ça finit par coûter cher. Oui. À force de prendre un café Baileys à tous les matins. Hein? Oui. Mais je dois avouer que pendant la... plupart du temps, la chasse-galerie, c'est pas très, très dispendieux. Non, absolument pas, parce que la chasse-galerie, ce sont de bonnes personnes. C'est vrai. Qui sont là pour vous. Oui. Voilà. Donc, sur ces merveilleux sons du Carnaval étudiant 2016, allons-y avec les quatrièmes places. En anglophone, King Gizzard and the Lizard Wizard avec Paper Mache Dream Balloon qui descend de une place. Et du côté francophone, eh bien, c'est le groupe Faudrait faire la vaisselle avec, évidemment, la fameuse chanson Lâche ta job. Lâche ta job, mais... Lâche ta job, mais... C'est pas vrai, c'est fou. Au 89 FM. Dormir avec moi, lâche ta job lâche demain. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job, on verra bien. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job demain. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job, on verra bien. Lâche ta job, lâche ta job demain. Reste-tu si t'as même pas dormi assez pour que ça vaille la peine demain d'aller servir des cafés. Reste ici, t'es même pas assez payé pour que ça vaille la peine jamais de retourner travailler. Entends-tu le cadran? Ouais, non! Avant de se coucher, on avait fermé le sang. Entends-tu le cadran? Ouais, non! Avant de se coucher, on avait fermé le sang. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job demain. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job, on verra bien. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job demain. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job, on verra bien. Lâche ta job, lâche ta job demain. On s'inflige la productivité, mais quand on est dans ce lit-là, c'est nous qui l'avons décidé. On s'oblige à se faire patronner, mais la peau de ton poil, elle goûte la liberté. Ah! Entends-tu ton patron t'appeler? S'il te renvoie pas, tu vas démissionner. Entends-tu ton patron t'appeler? S'il te renvoie pas, tu vas démissionner. Même si il faut manger demain, moi je reste ici. Il suffit d'une bouchée de pain pour couper mon appétit. Même si il faut manger demain, moi je reste ici. On ira main dans la main dans les poubelles de l'épicerie. Même si il faut manger demain, moi je reste ici. Il suffit d'une bouchée de pain pour couper mon appétit. Même si il faut manger demain, moi je reste ici. On y croit main dans la main dans les poubelles de l'épicerie. Même si il faut manger demain, moi je reste ici. Il suffit d'une bouchée de pain pour couper mon appétit. Même si il faut manger demain, moi je reste ici. On y croit main dans la main dans les poubelles de l'épicerie. Lance la chose. Oh, Gizzard and the Lizard Wizard avec Paper Mache Dream Balloon. Position numéro 4, ça descend de 1 en anglophone. Et du côté francophone, eh bien, c'était Laissez-moi voir, faudrait faire la vaisselle avec Lâche ta job demain, pas ce soir. Non. Simplement demain. Et Laisse-moi voir, c'est un autre excellent nom de band. Après, faudrait faire la vaisselle. Laisse-moi voir ce que j'ai dans ma garde-robe, ça peut être un nom de band aussi. Exactement. Hein? Laisse-moi passer un petit peu de Windex sur mon écran d'ordi. Je suis pleine de ressources comme ça. Un autre excellent exemple. Oui. T'en as vraiment une tonne, t'es super rempli de ressources. Oui, tout ouais. À fait, tout le temps, comme ça, appelez-moi si jamais vous avez besoin d'aide, je vais vous aider. C'est ça, appelez-moi Naya. Ligne verte. Hein, Naya comme une source d'eau. Hein? Oui. Hey, voilà. C'est mon ami en plus que ses bouteilles, ok. Hein? Attends. Tu peux pas juste me lancer ça puis faire comme, ok, je prends une gorgée d'eau, non. Ben oui. Raconte-nous. Ben, je vais aller vérifier, c'est droit vraiment au but, Naya. C'est plate à date. Mais oui, c'est vraiment l'eau Naya, en okay. fait. J'ai étudié à Promédia en animation radio et télévision. Oui. Puis, en même temps, il y avait Hugo qui faisait du canoë kayak. OK, comme dans la chanson, le Where Did You Come From, Where Did You Go? C'est lui, ça. Oui, pareil. Okay, puis, en fait, il étudie à Promédia en même temps que moi pour pouvoir se diriger vers le sport. Puis, en fait, il était encore athlète olympique au moment qu'il a fait Promédia. Et ça l'a en fait juste découlé après Promédia. Donc, il s'est encore classé pour les Olympiques, puis tout ça. Et il s'est retrouvé à avoir la commandite des bouteilles d'eau, Naya. Wow. Et c'est lui qui a sauvé les bouteilles d'eau, Naya. Ben, tu vois, c'était une excellente anecdote. Oui. Il fallait que tu la racontes. Je suis content de te l'avoir demandé. Merci. Bon, good. On est fiers de lui à Promédia. On est très fiers de lui. Hey, tantôt, j'avais dit qu'on n'utiliserait plus de fond. À la place, oui, on allait utiliser vrai. Le micro magique en direct du terrain. T'as raison. Du campus, où on entend directement derrière nous le Tepa Game à la Chasse-Galerie. Oui. Qui a l'air d'être. Je sais pas si c'est terminé, mais. Non, je crois pas. Ça applaudit présentement. Et le boum boum qu'il y a, c'est le show, le soundcheck, la vérification sonore du spectacle de Louis-Jean Cormier qui a lieu ce soir. Ça, c'est une trompette. Oui, parce que ça encourage, bien évidemment. Ouais, vous êtes là. Oui. On sait pas. Peut-être que vous nous écoutez. Là-bas. De la Chasse-Galerie. D'après moi. D'après moi, ils ont refermé la radio. On n'entend pas grand chose. C'est ça. On sait jamais. On ne sait jamais. Et l'écho, ben, c'est parce qu'on a ouvert 3 micros. Hein? Oui, et voilà. Voilà. Donc, pendant qu'on écoute ça derrière nous, et on vous rappelle que le show de Louis-Jean Cormier pour les auditeurs du mardi soir, oui, 26 janvier, c'est à 21h au 10-12. Mm-hmm. On est rendu aux 3e place en anglophone. C'est Lucid Afterlife et leur ancien numéro 1, leur excellente bonne pièce, Ayo, qui est sur l'album I Am. Eh bien, j'ai le malheureux. Ah, non, pas les deux. La tristesse de vous dire que le Husky ne sera pas top 1 cette semaine parce qu'il se retrouve à la 3e position avec Dans la neige. Est-ce que la chasse peut nous faire des boues, s'il vous plaît? Oh, boues! Il en faisait tout à l'heure. Je sais pas si là, ils vont en faire, mais bon. Ah, ils ont manqué leur chance, hein? Ben oui. Le Husky sur ses fous. 89 ouais. FM. Boues! Quelque chose nous observait en silence. s'est trouvé une couverture qu'on a posée par terre. Près des bûches et du foyer allumé, comme nos deux corps exaltés. Je voulais que ce moment dure toujours. Je voulais que ce moment dure toujours, mon amour. Fly away, just fly away, fly away. One plus one. De nos services. On s'est parlé pour savoir est-ce qu'on est prêt. Prêt. Mais je peux vous dire qu'on est prêt à faire face à un problème comme celui-là. Non. Malgré le discours du maire, c'est psaume et c'est notre père. Le fléau gagne du terrain sur le territoire saguenéen. Les beaux là se traînent les bottes le long du boulevard Talbot. Ils rôdent autour des vitrines des commerces de la rue Racine. Ils s'invitent chez monsieur le maire pour tout fucker sa prière. Le maire en perd la raison, il met le feu à sa maison. Il vire les croix à l'envers, prête allégeance à Lucifer. Puis il s'en va incendier toutes les églises de Saguenay. Avec sa hache et sa drille, il entre à l'hôtel de ville et sacrifie aux démons tous les conseillers de l'opposition. Quand finalement la police le prend en chasse et l'arrête, il crie 666, vive le numéro de la bête. Il va jusqu'en Cour suprême pour défendre son droit de crier Satan je t'aime partout et sur tous les toits. Oh, les mots là sont bien pour lui. Oh, les mots là sont bien pour toi. Going positions 2 et 3 des palmarès. On vient d'entendre en deuxième anglophone Grimes avec Flesh Without Blood qui monte de 2 places. Et tout juste avant ça, on a entendu Mon Oncle Serge avec l'Ebola à Saguenay. C'est assez clair hein, dans cette chanson. Pas mal. De Saguenay, quand même. C'était intense, pas mal son affaire. Ouais. Avant ça, en troisième place, l'ancien numéro 1. En fait, de chaque bar, les anciens numéro 1. On a entendu en anglo Lucid Afterlife avec A.O. sur l'album I Am. Et du côté francophone, c'était Dans la neige du groupe Le Husky. Mm-hmm. Et maintenant, la surprise qu'on annonce depuis le début de l'émission, notre invité spécial, Andréane Martin, est avec nous. Salut, Andréane. Salut. Ça va? Ça va super bien. Cool. On reçoit Andréane Martin, non seulement parce que c'est une actrice, une artiste, une chanteuse, une femme à tout faire, finalement. Une femme à tout faire. Ben, elle a tellement tout fait qu'elle a fait ta job avant. Ouais, ouais, c'est vrai, parce qu'elle a travaillé ici. C'est ça. Mais tu sais, hein, ouais. Faut le dire comme ça. Ben oui, parce qu'on se connaît. Ça. Oui. Moi, je m'occupais vraiment de la publicité. Oui, ben c'est ce qu'elle fait. Tu fais ma job. Ah, oui, carrément. Ah, c'est donc cool. Ouais. T'aimes ça, hein? Ah oui, c'est super le fun. Ah, je sais que c'est le fun. Motivant. Bref, Andréane Martin, parlons de toi plus en profondeur. Rien de croche là-dedans. Non, ouais, non. S'il vous plaît. On garde les mains sur la table. Comme tantôt quand je suis arrivée puis j'ai dit tout mouillé. Oui. Mais là, c'était de l'eau. Oui, oui, évidemment, parce qu'il mouille à l'extérieur présentement. J'aurais jamais répété ces paroles-là. Je l'ai répété. Pour moi, merci. Donc, parle-nous de toi, Andréane Martin. Tu étudies ici même à l'UQTR, n'est-ce pas la vérité? Oui, c'est vrai. En quoi? Écoute, j'ai étudié en loisirs, culture, tourisme. Eh oh, récréo! Eh oh, récréo! Ça crie ça dans les corridors, en ce moment, c'est le carnaval. Oh boy! Ça crie sans cesse. Donc, loisirs, culture, tourisme, t'as aimé ça? T'as terminé ton parcours ici ben complet? Oui, je l'ai terminé. Moi, quand je commence quelque chose, je le finis. Tu le mires. Oui, termine. Ah, mais c'était trippant. Écoute, Trois-Rivières, là, c'est une belle période, hein? C'est comme la première fois, tu sais. Mmh. Tu t'habites en appartement. Ouais. Puis t'es vraiment poche en cuisine. Je continue ça, moi, depuis. Moi, c'est ça, toi, finalement, Mathieu, ça n'a jamais terminé. C'est ça. Donc, ça, t'as étudié ici, mais là, t'es rendue artiste, chanteuse, auteure, compositrice, interprète et tous les mots qu'on peut ajouter là-dessus. Quel genre de musique tu fais, en gros, maintenant? Ben, je dirais que c'est un mélange de soul, funk, jazz avec une touche de pop. Un petit peu de pop, oui, oui. Mais pas trop non plus. Non, non, pas trop. Un petit peu de pop. Ouais. T'as un band avec qui tu joues la plupart du temps? Ben oui, c'est ça. Fait que ce soir, ils sont tous venus avec moi. Mm-hmm. Dans le fond, carrément, drum, guitare, basse et clavier. Ouais. Puis moi, ben, je suis vraiment à la voix. Alors, c'est ça. Dans l'album, il y a aussi les brass. Ouais. Oh. Les brass. Mm-hmm. On dit quoi, cuivre, je pense, ça? On dit cuivre. Oh. Oui. C'est moins sexy que brass. Ouais, c'est vrai, hein, vous, ça. Take off your brass. Ça sonne moins bien que. Hein? Ça sonne moins bien que brass. T'as manqué mon gag de take off your brass. Non, non, je l'ai entendu, je l'ai juste pas commenté. Comme si j'avais pas. Je comprends ce que tu fais. C'est drôle quand même. Donc, le bel va être là pour le show de ce soir. On va parler évidemment plus du show à la fin de l'entrevue, mais le show, c'est ce soir au Grand Brinus. Exactement, ça commence à 21h. Fait que si ça vous tente d'arriver avant pour jaser avec nous. Manger, boire. Prendre une petite bière. Ben oui. Voilà. Ben une bière à un spectacle, c'est toujours bien le fun. Exactement. Toujours plaisant. Ton premier maxi, on peut appeler ça un maxi, c'est pas un CD complet, qui s'appelle Mon beau bandit. Yes, qui est disponible. Disponible sur Bandcamp. Alors, c'est aussi... moi, je me suis inscrite avec Zimbalam, tu sais, la distribution, là. Oui. Partout dans le monde. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Ça, c'est sur Spotify, iTunes et tout. Là. Ah, ben, justement, ça, ouais, on se demandait ça, Spotify. Est-ce que ça a été difficile de décider de mettre ces chansons là-dessus? Ben, écoute, moi, c'est un sujet, tu sais, en ce moment, là, il y a plein de monde qui dit « Oh non, moi, je mets pas ma musique sur Spotify. » Ouais. Bon, c'est correct de penser comme ça, je respecte le point de vue. Moi, je le vois vraiment d'un côté « Ok, je veux me faire connaître partout. » Puis, j'ai vraiment été surprise. Ouais, c'est ça, t'as des retours, là, par rapport à ça. Oui, il y a un gars en Californie, il trippe sur la musique française, il dit « Hey, j'aime vraiment ce que tu fais. » Il a écrit un article sur moi. Ah. Fait que, tu sais, je me dis « Ok, tu sais, le gars, il a un blog, ça s'appelle fillesourire.com. » Ok. Puis, lui, il trippe sur les voix féminines en français. Fait que, lui, il a entendu ma toune. Tu sais, c'est ça qui est la beauté. C'est vraiment, en plus, fait, que tu peux aller avec la catégorie, mettons, découvrir. J'imagine que là, on peut retrouver tes chansons partout dans le monde. C'est ça, carrément. Fait que je me dis, regarde, moi, je pense que si un jour, peut-être, le gars, il trippe sur moi vraiment, ben écoute, je vais peut-être aller en Californie, tu sais, je vais peut-être aller ailleurs, je sais pas, mais je me dis, j'ouvre la porte, tu sais. Ouais, tu mets pas ta musique sur Spotify pour faire de l'argent, l'argent, tu vas la faire ailleurs. C'est ça. Hein, parce que ça doit être quoi, des centièmes de cents? Non, non, faut pas penser d'être riche avec Spotify. C'est vraiment pour se faire voir, se faire entendre. Ouais. T'as gagné le prix charisme et originalité de la SODEC. C'est quand même charisme, on sent ta voix, ça. Oh, c'est vrai. T'as gagné, ben sinon, il y en a plein d'autres prix, le prix Bel et Bum. T'as été au Festival international de la chanson de Granby. T'as été lauréate au tremplin de Dégely. Oui. Et je sais que c'est bien important pour toi. T'en parles sur ta page Facebook, une petite vidéo de toi en train de dire aux jeunes de s'inscrire pourquoi c'est important pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté. Parle-nous de ça. OK. Le tremplin de Dégely, là, c'est le premier concours dans ma vie là, que j'ai gagné. Le premier que t'as gagné. Le premier que j'ai gagné. Parce que c'était pas le dernier, là, évidemment. Non, c'est ça. On vient de les, tous les énumérer. Parce que, tu sais, d'habitude, je suis comme tout le temps comme deuxième place, troisième place. Hein. Mais là, j'ai vraiment gagné. Mais c'est pas ça l'important, là. Mais je veux juste dire que c'est quand même trippant comme feeling de gagner un concours. Puis aussi, ben écoute, il y a des super bons prix, là. Mm-hmm. Participer à Bel et Bum, ça sent bien, le Bel et Bum, là. Écoute, c'est un rêve, là, pour ouais, moi. Ouais, c'est pas rien. Puis aussi, ben c'est ça, il y a une toune qui a passé à radio pendant 4 mois. Ça jouait deux fois par jour. C'est une radio comme dans le coin plus... 7 stations de radio différentes. Mm-hmm. Ça a passé dans le coin Montmagny, La Pocatière, tout ça. Fait que je me dis, hey, c'est la première fois qu'il y a une toune qui passe à la radio et c'est pas toujours évident de passer à la radio. Hein? Non, c'est vrai. Ça. Mais c'est ça. Non seulement la radio, c'est pas facile, mais la télé, c'est pas facile non plus. Non. Et t'es allé à la télé, t'as gagné ta semaine à la compétition. Oh, oui? Chez vous. Oui, oui, oui. C'était comment participer à ça? Ben moi, je pense que Faites comme chez vous, c'est une émission qui est très excellente, mm-hmm. dans le sens que tu peux vraiment te faire découvrir pour ce que tu es. Oui. OK? Tu peux comme vraiment faire ton décor, ton univers, puis tu peux faire tes compos aussi dans l'émission. Oui, c'est vrai. C'est pas de même partout, hein? Mm-hmm. Fait que ça, c'est cool pour cette émission-là. Puis en même temps, ben, ça te fait découvrir des nouveaux bands. Puis c'est ça, tu peux vraiment mettre ta couleur. T'as une belle liberté. Exactement, parce que pour les gens qui connaissent moins l'émission, à chaque jour, c'est chez quelqu'un de différent. Vous connaissez pas nécessairement les styles d'une personne à l'autre, là. Pas du tout. Okay. Puis, c'est ça qui est cool, c'est que moi, dans ma semaine, c'était une semaine... Ben, c'est pas grave, hein? Ben non. Hein? Ben non. Moi, c'était une semaine de filles. OK. Entièrement féminine. Oui, juste des filles. Puis, c'était drôle, là. Tu sais, c'est tellement trippant quand même. Tu sais, ils nous donnent un défi. Puis mm-hmm. la journée même, il faut vraiment apprendre une toune, on the spot devant les caméras et tout, parce que le soir, on le fait devant le public. Mm-hmm. Puis, des fois, là, il y a du monde qui n'avait jamais entendu la toune. Mais moi, je savais c'était quoi, la toune, là. C'était lavé. Oh! Tu fais de version ukulélé? Non. Non? Je l'ai faite version vraiment un peu groove, soul. Mm-hmm. En tout cas, vous irez voir ça, là. Faites comme chez vous.com. Cool. Ouais. Je sais aussi, petite question à pertinence variable. Je sais que tu donnes... Oh my God. Vas-y, Mathieu. Non, mais tu donnes des cours de chant. C'est juste ça. Ben oui. C'est pas si pire que ça comme question. Ah ben... des cours de chant, des cours d'instruments. Sur Kijiji, on peut te contacter? Ben oui, carrément. Ben en fait, je dirais pas que je donne un cours d'instrument, tu sais, ukulélé, mm-hmm. OK? Mais vraiment, l'instrument de la voix, ça, j'ai suivi pas mal de cours, j'en suis encore. Mm-hmm. Puis, ben j'ai un bagage, tu sais, assez pour pouvoir le transmettre. J'aime vraiment ça, donner des cours. Ouais. Mm-hmm. Puis je fais ça chez nous, fait que c'est super... C'est intime, là! Ouais. C'est super le fun! Wow. C'est une belle ambiance, fait que là, tu sais, je donne... un petit thé, puis... Le thé fourni. À charme, thé ses fourni. Élèves. Ben, tu sais, elle n'a pas gagné le prix du charisme et voilà. Pour rien. Ah! C'est vrai? Ça, là. C'est vrai? C'est pas pour rien. Bref, ton premier lancement, c'est ce soir à Trois-Rivières. On va en parler en long et en large après une petite performance musicale. C'est tendu, une Belle chanson. Ben, quelle oui. chanson tu veux nous jouer? Ben, je vais faire une toune, ça s'appelle Yo-Yo. Yo-Yo, OK. Et je veux juste vous dire l'anecdote. Ouais. Écoute, c'est drôle. J'ai composé cette chanson-là au parc portuaire. OK, ici. À Trois-Rivières. À Trois-Rivières, tout seul dans le gazon, avec mon ukulélé. Puis là, à un moment donné, j'ai fini de faire ma toune. J'ai fini de la composer. Mm-hmm. Puis là, il y a un gars qui arrive, qui arrive de nulle part. Comme dans un film. Comme dans un film. Puis il me donne une bière. Il dit « Bravo pour ta toune. » Ben voyons donc. Là, j'étais comme « Hey, c'est la première fois que ça m'arrive. » C'est le fun. Les gens sont généreux en bière à Trois-Rivières quand même. Hein? C'est du service, ça. Ouais. Ouais. Peut-être qu'il t'a vu dans un bar. Peut-être qu'il va être là ce soir. Peut-être, c'est ça. Peut-être, hein? Peut-être qu'il te suivait, c'est peut-être un stalker. Non, ça se peut, je sais pas. Ben, en tout cas, c'était ce tune-là. Okay. Fait que je vous la fais. La pièce Yo-Yo. Yo-Yo. suis la dame de cœur. Étrangement, tu es le joker, mais je sais qu'il se cache en toi un roi. Je suis la dame de cœur. Étrangement, tu es le joker, mais je sais qu'il se cache en toi un roi. J'ai essayé de te suivre. Tu fais tout pour m'étourdir. Je glisse entre tes doigts de haut en bas comme un yo-yo-yo-yo-yo. Yo-yo-yo-yo-yo. Les dés sont lancés, la partie est terminée. Même si tu aimes jouer, non, non, non, ne me dis pas que tu as peur. Je ne veux pas t'arracher le cœur, mais j'aimerais connaître le vrai. Mais j'ai essayé de te suivre. Tu fais tout pour m'étourdir. Je glisse entre tes doigts de haut en bas comme un yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo. J'ai essayé de te suivre. Tu fais tout pour m'étourdir. Je glisse entre tes doigts de haut en bas comme un yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo. Bravo! André Martin, la pièce Yo-Yo. Et c'est aussi proche qu'elle pourra arriver d'un duo avec Louis-Jean Cormier qui était bien au 10-12 pendant son centre. Il est comme en train de... C'est ça, exactement. C'est vrai, pareil. Mais on l'a mise au défi d'aller, d'aller le voir, lui l'inviter à ton lancement ben ce oui. soir. Parce qu'il y a que ça à faire, le soir d'un show. Le soir d'un show, ben oui, pendant oui. son break, il pourrait traverser exact. La rue, venir au Gambrinus. Ça serait bien à pied. Là. Pourquoi pas? C'est directement en avant. C'est ça, littéralement, tu sors de la bâtisse, tu fais une diagonale, puis go. Sérieusement, savez-vous combien de temps il dure son show? Je sais pas. Non. Parce que, tu sais, si c'est pas trop, tu sais, pas trop long, ouais. il pourrait venir, tu sais, ouais. faire un tour. Mais voir. On t'a mis au défi, il faut aller le voir tout à l'heure. Elle dit qu'il était game en plus. Ouais. Oh, oui, je suis game. Elle l'a dit. Ouais. Oh oui. Mais là, on n'est pas là pour parler de Louis-Jean Cormier, même si quand même ça existe, il faut le dire. C'est d'Andréane Martin qu'on parle, c'est avec elle qu'on parle en studio en ce moment, Palmarès, c'est fou. On veut parler du spectacle de ce soir. Ça fait pas nécessairement complètement compétition. Je pense qu'il y a comme un petit chevauchement, mais je sais pas pour les heures par rapport ouais. à ça. Peut-être que les gens peuvent faire un petit tour aux deux, je sais pas. On va voir. Bref, chose ce soir, lancement de l'album au Gambrinus. C'est l'album. De quel album est-ce qu'on parle? Quelle pièce vas-tu jouer à ce spectacle-là? Ben en fait, on va faire un show un peu comme on fait d'habitude, mais c'est ça, on va mentionner les chansons qui sont sur l'album, mm-hmm. puis on va en faire plus parce qu'on a plusieurs compositions, puis des petits covers. Oh, oui. Ah oui! C'est toujours plaisant. Des covers de coups. Ben écoute, vite comme laver, ça. Laver. Non, fais pas celle-là ce soir. On fait une toune de Boris Vian. OK. Je suis snob. Ooh. Mm. On fait une toune de Jackson 5. Ah ouais? Hey, wow, laquelle? Ouais. Blame it on the boogie. Ah ouais, wow. C'est vraiment le fun. Cool, ouais. À part de... Hey, là, tu me demandes, j'ai pas mon setlist devant ben moi. Là, c'est là. Toi l'artiste, tu sais. Fais pas semblant, tu sais pas. Ben écoute, je vais te dire quelque chose. On fait des tunes de Robert Charlebois. Okay, cool. Ah ouais. Puis en ce moment, on est en train de monter un show hommage à Robert. Ah, oh, ça pourrait être un bon succès, intéressant. Ça. Ouais. Puis là, j'ai vu que le Cirque du Soleil faisait un spectacle oui, à Trois-Rivières cet été. Oui. Parce que j'ai fouillé sur Internet voir c'est qui fait ça, un hommage à Charlebois? Est-ce que je vais être une personne originale? Oh. Et c'est en demande. Mais tu vois, le cercle du soleil fait... Mais là, on peut pas comparer. Là. Non, mais tu peux même faire un off. À moins que tu décides de faire... Ouais, c'est ça. C'est ça. Comme un off festival de la poésie, tu fais un off cercle du soleil, y'en a pas de problème. Voilà. T'sais? Donc, puis c'est ça, on est en train de monter ça. Puis écoute, il y a vraiment des bonnes tunes, Robert Charlebois, là. Tu sais, celle qui était dans les années 70 et tout, là. C'est assez hallucinant. C'est ta période préférée, années 70. Je trippe. T'es un peu hippie. Ah oui, oui. Oui. Ah oui, moi j'aime ça ces années-là. J'aime beaucoup le groove puis l'espèce de désinvolture. Ah ouais. On dirait que chaque mot doit être dit avec un petit accent séduisant. Là. Ouais, c'est vrai. Désinvolture. C'est du charme, on l'a dit tout à l'heure. C'est du charisme. Charisme. Elle a gagné un prix pour ça. Charisme, ah ouais, le charisme, là. Ah ouais, comment ouais, charisme avance. On dirait un nouveau sac. Ah ouais, charisme. Ou un nouveau prénom pour 2016. C'est ça. Ah, oh, ben oui. Le petit charisme. Parce que. Donc, pour ce soir au Gambrinus, on a compris ce que ça va donner. Ça va être de l'humour, du charisme et de la bonne musique. Groovy, funk, soul brother. La bière, funk, la bouffe, voilà. C'est tout ça, ça mis ensemble. Voilà. Et pour ceux qui peuvent malheureusement pas se présenter au spectacle ce soir parce qu'ils ont un autre engagement, ils peuvent te retrouver à Québec et à Montréal pour d'autres lancements, n'est-ce pas? Oui, effectivement, on va faire le lancement à Québec le 15 février. En 5 à 7. En 5 à 7. Ouais. Mm-hmm. Puis là, ça va être vraiment formule, écoute, juste les 5 chansons. OK, on fait ça, c'est tout. Puis après ça, ben à Montréal, ça va être au Verre Bouteille. Le lendemain. Le lendemain, le 16 février. Je peux dire le lendemain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le premier lancement des trois. Oui. T'as décidé de faire ça à Trois-Rivières. Pourquoi me faire à Trois-Rivières? Hein, c'est une bonne question, ça. Ça, c'est une très bonne question. Hein? Ah ouais. Ben moi, je trouve qu'à Trois-Rivières, c'est comme là que je me suis plus développée. OK. Tu sais que j'ai... Ben, pas ta poitrine? Non, ça, c'était non. Déjà fait. Okay. C'était déjà fait, là, j'avais 19 ans. Faut dire les vraies choses. Ça, j'étais pas mal... T'as rendu à l'université. C'est ça. Oui, il était là, il était là. Puis, en fait... Mais c'est drôle à délai. Mais sérieusement, je me suis développée, tu sais, comme en tant que... Artiste, mais aussi adulte. Puis on dirait que comme quand t'es adulte, tu fais comme... OK, ben tu sais plus où ce que tu t'en vas. Puis, tu sais, tes paroles sont un petit peu plus matures puis intelligentes que quand t'étais ado. Hein, tu sais, quand t'étais ado, bon, tes petites paroles, là. Ouais, c'est ça, dans le petit journal intime à Cadenas. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, ben c'est ça. Il t'arrive plus d'expérience de vie, puis ça... Mais là, je suis contente parce que depuis que j'ai passé à l'université, ça m'est passé des affaires. Oui. Fait que là, ben je suis contente parce que c'est encore plus développé, encore plus peaufiné. Il y a des tunes qui étaient déjà que j'avais déjà inventées ici, créées dans le temps, mais là ils ont été plus travaillées. Voilà. Donc t'as comme ce lien d'appartenance là à la ville, veux pas. Oui. Ouais. Puis j'aime beaucoup quand le monde, quand je fais une chanson, ils viennent me porter de la bière. Ça, j'aime ça. on a pris ça en note, tout le monde, de la bière ça. Ce soir. Elle s'est habituée à ça. Oui. Faut se faire amener de la bière. C'est correct, ça. C'est comme tantôt, sa collègue est allée chercher de l'eau, puis a dit, Adrienne a dit, « Ah, oh, c'est vrai que ce serait bon de l'eau, sans... » Ça veut dire, amène-moi ça. Même chose avec la bière, ce service, soir. Service, claquement de bois. C'est Adrienne Martin, charisme. Charisme! C'est la petite charisme. Ah, bon. Aïe, aïe. Ben, c'était parfait comme entrevue, ça. Merci. On a pu faire mieux, hein? Oui. Je voulais te dire aussi, excusez tantôt pour le ukulélé, parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps vraiment de l'accorder. Ça a jamais paru. Ouais. Ça sonnait super bien dans nos oreilles. Ça m'a déconcentré, j'ai répété un petit peu les paroles. Est-ce que tu penses que pendant que, tu sais, là, ils te demandent, on te remercie, on va dire, le spectacle est encore le 26 janvier ce soir, à 21h au Gambrinus, lancement. Ensuite, le 15 et 16 février à Québec puis à Montréal. C'est ça. Pour ceux qui manquent le spectacle de ce soir. Et merci. Merci. Adrienne Martin. Nous, pendant qu'on va terminer l'émission avec les numéros 1, si tu veux, genre, nous jouer du petit ukou en arrière, ben qu'on présente les chansons. Ah ouais, oui, on va présenter top 1 sur le ukou à André. Mais attends, moi, c'est ça, parti. C'est beau. Donc, et là, on fait des jeux de mots, évidemment, parce qu'on prend le temps qu'il faut, tu sais. Ben oui. Tu sais, moi, je dis, ah ouais, pas le ukulélé, mais tu vois qu'elle a déjà fait. À un moment donné, déjà à l'avance. Tu vois qu'elle est vraiment vivante. Tu sais, elle a non seulement du charisme, mais de la vie. Elle a de la vie à l'intérieur d'elle-même. Elle n'est pas morte, elle n'est pas dead. Pas le temps. Pas le temps de mourir. Pas le temps. Pas le temps. Je ne sais pas si elle est célibataire, mais je sais que l'album Single, en tout cas, le single de Dead O'Bees. Ben oui. C'est le nom. C'est Évatique le titre. Hein? C'est Évatique le titre. J'ai dit ah ouais. Ah, ok, ah ouais. Ben oui. C'est ça. Du coup, t'as le fun. Lui, il est mort, par exemple. C'est un fait. Lui est mort. Je sais pas si un animal de compagnie ou si, si Lazare fait bien les choses dans son titre de chanson. Tu comprends ce que je veux dire? Il était pas noir, il était blanc, mais il était dans le ciel noir, rempli d'étoiles, un peu comme Robert Charlebois. Un peu comme son album aussi, Black exact. Star. Black Star, ben c'est ça. Explique-nous les jeux de mots que j'ai fait. Les jeux de mots qui étaient moyennement bons ce soir. Bien, en fait, du côté anglophone, merci. Le top 1, c'est Lazarus de David Bowie sur l'album Black Star. Et du côté francophone, hey, The Dead Obies sur l'album Single. D'où la question, est-ce qu'Andriane est célibataire? Voilà. Ah ouais, Dead Obies. Ah ouais. Merci, Andriane. Merci. Charisme. Charisme. Charisme. Charisme. Charisme. Charisme. C'est ça que vous attendiez tout, ain't it? Coupe de gros mots, coupe de girls, coupe de moët. Coupe de haters qui se peuvent plus d'attendre pour hate. Mais c'est ben chill, très chill, y'a pas un gros mec qui dégèle. Et puis that's it, on se cassera pas le PC. Très shit, French frogs gon' rip it. Fait au Québec, ce que t'sais, tu peux pas make it. À moins que tu fake it, fuck it. T'es une sorte de mec Champlain à remonter le Saint-Laurent. On est 6 d'un V6 contre 100 sur Saint-Laurent. Le temps c'est vous de flotter des boîtes, it's really good. Règle de chance, et si t'es peur, et bien it's in my way. Ça fait que je ramène ardiment son mari tôt rapidement. Ce qu'a dit à moi comment tu... Check, life's a bitch when you look at that. Many cocks in there, j'l'appelle bébé double dutch. Front, dis-moi les Hawaii à gauche. Ou ben non, sac ma flip pis joue-moi de la musique à bouche. Shut the fuck, scotch, take mon affiche up. Get it up there, boy, fais comme dans un snap and chop. Chop, chop. Hawaii jump up on tour bus. Bébé, j'ajoute la tune au ballon, j'en retourne au Starbucks. Living on a road, booty naked dans un car wash. So fresh, so clean, bitch, ta cousine était starstruck. Ça fait qu'on frappe le hit parade. On célèbre ça avec une bague pis une douche de Gatorade. Homie, got the juice, we be sippin' Tanqueray. Cause everyday my birthday, hip hip hip parade. Yeah. Première position. Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Thank you. quitté les premières positions des palmarès de la semaine du 25 au 31 janvier 2016. On vient entendre David Bowie et la pièce Les Aris sur l'album Black Star. Ça monte de la 5e place. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu Away de Dead Obies de l'album Single. Eh oui, voilà pour les palmarès, c'est fou. On se retrouve la semaine prochaine, toujours les mardis, entre 15h et 18h. Après nous, ce sera réanimation à 19h avec du métal et de l'horreur. Les vendredis soirs, on repasse entre 17h et 20h. Après nous, Sky Punka. Et finalement, les dimanches, on repasse à midi. Et après nous, c'est Palmarès du Monde avec David Ferron. CIF.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les balado-diffusions et les notes de l'émission. On salue tous les gens qui nous écoutent sur la route présentement. Je sais qu'il y en a beaucoup, donc salutations à vous. Vous ne voulez pas vous faire nommer, mais bon. Ah, voilà. Absolument, absolument. Ils sont sûrement en direction de nos deux spectacles ce soir. Ben oui. Louis-Jean Cormier, présenté par Cifou à 21h au 10-12. Et bien sûr, Andréane Martin au Gambrinus. Aussi dans les environs de 21h, c'est, oui, 21h au Gambrinus. Donc, mm-hmm. Un petit chevauchement d'heure, mais allez aux deux si vous êtes capables. Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais faire une saucette au Gambrinus, puis au 10-12 après. C'est comme vous voulez. Absolument. Et évidemment, quand on parle de ce soir, c'est pour les auditeurs du mardi 26 janvier. On se quitte avec une autre pièce d'Andréane Martin, une version CD. C'est la pièce Mes Seins. Merci, Tania Baudin. Merci, Mathieu Plante. On se retrouvera à Assemblage Requis demain à 6h30. Bye bye. Bye. Un gars m'a dit, tes seins pointent vers le ciel. Faut que j'en profite, ce ne sera pas éternel. J'ai dit, montre-moi que t'aimes ça. Sinon j'ai un plan B, plan C et double D. Ah, que je me sens bien avec mes seins. Ils sont si libertins sans leur soutien. Ah, que je me sens bien avec mes seins. Ils sont entre bonnes mains du soir au matin. Il y en a de tous les formats. Pour les grands, les petits, ils n'ont qu'à faire leur choix selon leur appétit. Les hipsters, les machos, les douchebags, un télo. Il y en a même pour les mini-minima. J'aime bien les frotter, j'aime bien les pincer, les taper, les brasser, les oh, j'aime bien les dorloter, j'aime bien les caresser, allez bien les faire danser. Ah, que je me sens bien avec mes seins. Ah oui, quelle joie, ils sont à moi. Mais si c'est assez malin, trouve le chemin, prends-le tant qu'il te faut. Pas de top chrono. Ba ba ba ba ba ba de top chrono. Ba ba ba.